Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Niveau Supérieur. Aujourd'hui, sortez la décapotable, lissez-vous les cheveux, enfilez votre plus bel accoutrement de jeune ado tokyoïte branché parce qu'on se lance dans Final Fantasy XV. Alors je vais éviter les introductions habituelles à base de « Ah, ça fait longtemps ». J'ai officiellement changé sur la bio Twitter du podcast le format mensuel en format bimestriel, un mot un peu obscur qui veut dire « une fois tous les 2 mois ». Du coup, plus besoin de m'excuser, c'est officiel, ce n'est plus une fois par mois. Je suis dans les temps, donc tout va bien, voilà. Je remercie quand même les gens qui patientent, qui écoutent et qui me soutiennent par des mots gentils ou matériellement, avec certains dons qui m'ont été faits, autant pécuniers que matériels, avec des jeux qu'on m'offre par-ci par-là. C'est plus mes proches hein, qui font ça, mais pour les auditeurs qui m'ont fait quelques dons sur PayPal, je vous remercie chaudement, ça fait plaisir. Ça donne du courage, ça donne du baume au cœur et il en faut parce qu'on s'attaque à un gros morceau hein, cette fois-ci. Puisqu'on va parler de Final Fantasy XV, c'est notre deuxième Final Fantasy. Alors je sais, peut-être que ça fait beaucoup en si peu de numéros de faire 2 jeux de la même licence, mais déjà, bon, bah, c'est une licence incontournable du JRPG, et puis cette série a le bon goût de se réinventer, entre guillemets, à chaque épisode, donc ça fait qu'on peut parler de deux mêmes jeux d'une même licence sans pour autant se répéter. Et puis je vous ai dit, c'est un de mes objectifs de vie de finir tous les FF au moins une fois, les FF principaux, donc je profite de cette plateforme pour le faire. Voilà. Et ce jeu m'a été offert à mon anniversaire cet été par ma copine, que je remercie chaleureusement, parce que j'ai enfin une PS4, comme je vous l'ai dit la dernière fois, du coup c'était l'occasion de me lancer dans FF15 enfin. Longtemps après la bataille, parce que je crois que le jeu est sorti il y a 5 ans en novembre, donc en 2016, mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai le recul des années pour en parler. Quelque part, le fait que je prenne mon temps pour jouer à FF15, c'est raccord avec le jeu, qui, vous le savez sûrement, a une histoire compliquée, hein, une gestation assez longue, 10 ans, annoncée en 2006. C'était pendant l'E3, Square Enix nous annonce un projet faramineux, Fabula Nova Crystallis, le nouveau mythe du cristal, en latin pour faire stylé, qui comprend non pas un, non pas deux, mais 3 jeux. FF13, FF Versus 13 qui deviendra FF15 et FF Agito 13 qui deviendra FF Type 0. Et du coup, bah voilà, c'est censé être une sorte de mythologie commune aux 3 jeux, mais avec une interprétation différente selon les jeux. Donc c'est annoncé là, en juin 2006, les tubes de l'été, c'était par exemple. Ou encore, bien sûr, l'incontournable. Ah, trop bien, j'ai l'impression d'être à la radio. Non, mais voilà, c'est une autre époque. C'est annoncé en 2006. C'est annoncé sous Jacques Chirac. Et le jeu sort finalement, je l'ai dit tout à l'heure, en novembre 2016, sous Emmanuel Macron. C'est incroyable. On se rend pas compte. FF12 n'était pas encore sorti en Europe. Déjà sorti au Japon, peut-être aux États-Unis, mais pas encore en Europe. Et ils avaient déjà prévu 3 jeux FF13. Enfin, le Fabula Nova Crystallis. C'est fou. C'est fou de se dire ça. Que là, on joue, pour ceux qui ont joué en 2016 ou pour moi en 2021, à un jeu annoncé il y a si longtemps, dans une autre époque. Une autre époque. Vous avez pu l'entendre avec les chansons, une autre époque. C'est un délire. Alors pourquoi aussi longtemps? C'est très compliqué. Je vous recommande volontiers l'ouvrage de Jérémy Kermarec, La légende de FF15, publié chez Third Edition, qui parle justement de la création compliquée de ce Final Fantasy Versus 13 dirigé par Tetsuya Nomura, qu'on connaît pour être la tête pensante derrière Kingdom Hearts, entre autres. Aujourd'hui, c'est aussi lui qui dirige FF7 Remake. et il est connu pour avoir un caractère assez difficile, pour être plus intéressé par les grandes idées, les grands concepts, les grandes théories, et pas tant sur la gestion, production concrète des équipes et des ressources et des choses à mener à bien et à organiser pour que le projet se déroule de façon assez, on va dire, apaisée. Lui, il est plus, c'est un peu l'image basique, classique de l'artiste dans son coin, qui a des grandes idées et qui se permet de pas trop réfléchir à comment les mettre en place. Il laisse ça aux autres. Du coup, ouais, il y a beaucoup de tergiversations de sa part pendant très longtemps. Il y a aussi le gros problème, vachement plus général, parce qu'on peut pas tout faire reposer sur la faute d'un seul homme, de l'organisation de Square Enix et du. Alors, on a souvent, j'ai parlé de ça, je crois, pour Tales of Vesperia, du creux du marché japonais pendant les périodes Xbox 360 et PS3. J'arrive toujours pas à dire un Xbox 360. À l'époque de l'épisode sur Tales of Vesperia, je crois que j'avais un peu nuancé en analysant le jeu Tales of Vesperia, qui me semblait assez correct et intéressant pour l'époque, même bien en fait, la possibilité que cette vision d'un jeu japonais un peu mourant à l'époque était peut-être une question d'historiographie, de façon dont on raconte l'histoire du média plutôt que d'un fait concret, ça veut pas dire que ça n'a pas des causes qu'on peut analyser et qui explique pourquoi on pensait ça, mais peut-être qu'en France, en tout cas, on en a fait beaucoup. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que chez Square Enix, parce que depuis 2003, si je ne me trompe pas, ce n'est plus Squaresoft, mais Square Enix, il y a eu un vrai problème quand on est passé à la génération HD. Ça, c'est clair et net. Il y avait déjà un problème qui s'est ressenti à l'époque de FF12. On en reparlera peut-être à un moment donné quand on fera FF12. Mais quand ils sont passés à la génération suivante, après la PS2, sur plateforme sur laquelle est sorti FF12, il y a eu un souci. Et Versus 13, qui deviendra FF15, je vais arrêter de le dire, maintenant je pense que vous avez compris, Versus 13 a vraiment pâti du passage à la HD parce que ce passage à la HD a impliqué pour Square Enix de changer radicalement leur façon de fonctionner et ils ont eu mal à le faire. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, encore une fois, le bouquin de Jérémy Kermarec est super pour ça, je vous recommande. Disons juste pour résumer que la façon dont étaient organisés les studios au sein de Square Enix fonctionnait très bien pour des développements à petite échelle, comme ceux de FF4, dont on a déjà un petit peu parlé dans l'épisode qui est consacré à ce jeu, parce que c'était des petites unités au sein même d'une équipe qui bossaient chacun sur leur truc, qui était hyper spécialisé et très perfectionniste, et qui ensuite, une fois le jeu fini, jetaient tout ça et recommençaient et repartaient à zéro. Ça a pu tenir parce que c'était des petites équipes, parce que les plateformes Super Nintendo, PlayStation n'impliquaient pas des effectifs immenses pour arriver à faire un jeu, mais c'était plus tenable dans des environnements aussi, dans un environnement HD en fait, aussi détaillé que pouvaient l'être ceux sur des jeux 360 ou PS3. Du coup, ils arrivaient un peu au bout de ce modèle, mais ils n'avaient pas trop envie de l'abandonner parce que c'était ce qui avait fait leur succès jusqu'ici, FF, bah, je sais pas, de 1 à 9, à 10 même, parce que le 12 était plus compliqué. Et c'était aussi une question de fierté. A priori, les gens qui bossaient à Square se voyaient comme des petits artisans très perfectionnistes. Il y avait d'ailleurs beaucoup plus d'artistes dans les développements que de programmeurs, parce que c'était vraiment ça qui dirigeait, qui drivait, qui était au fondement de l'organisation, la vision des artistes. Et du coup, ce n'était plus tenable pour un jeu en HD sur PS3 ou 360, tout simplement. Ces deux facteurs ont donc beaucoup joué, la personnalité de Nomura moins forcément que le système global d'organisation de Square Enix, qui a été confronté à son manque d'efficacité compte tenu des nouveaux problèmes que posait la génération de consoles qui arrivait, surtout que la PS3 était connue pour être difficilement programmable, et qu'en plus, en fait, les deux se sont rencontrés parce que Nomura avait beaucoup d'ambition, et que cette ambition se heurtait aux limites techniques et aussi aux limites organisationnelles. Pour ça que je pense que c'est deux facteurs intéressants à mettre en place. Encore une fois, faut pas non plus tout foutre sur le dos de Nomura, c'est juste que il était au mauvais endroit, au mauvais moment en fait, pour le coup. Sa vision un peu classique d'un réalisateur plutôt qu'un producteur qui a plein d'idées qui vont devoir être exécutées, et des idées qui peuvent changer, et beaucoup d'ambition surtout, était en partie nourri par les possibilités offertes par la génération HD, mais était limité et se heurtait à la façon dont fonctionnait la boîte et au savoir-faire des équipes qui devaient réapprendre à faire un JRPG avec des codes différents qui n'étaient plus ceux de la PS1 ou de la DS, etc., etc. C'est peut-être pas du coup le meilleur moment pour avoir des rêves d'artistes et des ambitions démesurées, Parce qu'il fallait réapprendre à faire un JRPG en HD, avec du coup des décors plus détaillés, ce qui implique une autre organisation des level design, de l'organisation de la planification des événements, etc. etc. en fait. Donc ça faisait beaucoup de choses, ce qui explique grosso modo pourquoi de 2006, quand le jeu est annoncé alors qu'il n'y a rien derrière, ils ont juste fait un joli trailer, jusqu'en 2011, où le jeu est de nouveau remontré à l'E3, bah c'est beaucoup de tergiversations, de tâtonnements, surtout que bah, les équipes de Nomura, ils sont pas 500 à bosser dessus parce qu'il y a d'autres projets qui doivent sortir. Du coup, Square doit constamment changer les équipes et les équipes sont allouées principalement aux jeux qui vont sortir rapidement, comme FF13 par exemple, ou FF14. Donc en 2011, ça se relance un peu, ça se précise, mais bon, ça fait quand même longtemps que ça dure. Donc le package de Square ajoute au projet Hajime Tabata, qui est un producteur un peu plus terre à terre que Nomura. En même temps, c'est pas très difficile d'être plus terre à terre que Nomura. Et il espère qu'avec deux réalisateurs, ça va pouvoir se finir un peu plus rapidement que ces 5 dernières années de tergiversation. On finit par lâcher cette idée de Versus 13 qui ne parle plus vraiment à personne, même Agito 13, Agito 13, pardon, qui est sorti, s'est renommé Final Fantasy Type 0. Du coup, le projet Fabula Nova Crystallis, il est mort dans l'œuf. Du coup, FF Versus 13 devient FF15. Et là, du coup, ça devient important parce qu'on décide aussi de lâcher la PS3 qui est trop limitée techniquement pour ce que veulent faire les créatifs sur ce projet. Donc on passe au premier Final Fantasy sur la nouvelle génération, PS4 et Xbox One, et sur un Final Fantasy numéroté, un vrai Final Fantasy entre guillemets. Du coup, c'est plus question de rigoler, ce qui finit aussi sûrement par expliquer pourquoi Nomura est au bout d'un moment remercié et Tabata se retrouve seul sur le projet. Parce que Nomura, lui, il voulait faire une trilogie FF15, parce qu'il avait plein de choses à raconter. Forcément, après 5, 6, 7 ans à réfléchir sur le truc, t'as beaucoup de choses à raconter. Et bon, bah, au bout d'un moment, Square a dit non, c'est bon, ça fait longtemps que ça dure, c'est trop. Donc t'es gentil, tu vas retourner faire Kingdom Hearts 3 dans ton coin et laisser les grandes personnes travailler. Je résume, hein, évidemment, avec un petit peu d'éditorialisation. Mais du coup, Tabata se retrouve seul, finalement, vers 2013, pour gérer FF15. Et on peut dire que le jeu FF15, tel qu'on le connaît vraiment, commence son développement en 2013, même si en 2006, hein, vous pouvez regarder si vous trouvez la vidéo sur internet, on voit la tête de Noctis, hein, on voit la tête de son papa aussi, hein, on voit Insomnia et tout, il y a déjà des trucs qui ont survécu tout ce temps, pendant ces 10 ans, et qu'on se retrouve dans le jeu final. Donc, c'est pas des jeux qui n'ont rien à voir, mais FF15, tel qu'on le connaît, commence à être développé en 2013 par Tabata et ses équipes. Et Nomura, bien sûr, au début, qui finit, je crois, en 2014 par être. Pas remercié parce qu'il est encore chez Square et il est même très important chez Square maintenant. Il travaille sur le remake d'FF7, c'est pas n'importe quoi. Mais du coup, à être mis de côté parce que visiblement, c'est pas le plus fort pour gérer, comme il le dit lui-même, le facteur humain. Donc les équipes de développement qui sont aujourd'hui très grosses et très dur à organiser. Ça donne au final, du coup, Final Fantasy XV, sorti le 29 novembre 2016. Un jeu du coup auquel je n'ai pas pu jouer, que j'ai suivi de loin, qui m'intéressait. J'ai suivi justement toutes les étapes un peu. Je me souviens de l'annonce en 2006, de celle en 2011. Enfin, j'étais là à toutes les étapes, content, inquiet. J'ai vécu tout ça, quoi. Comme beaucoup d'autres gens, on a vécu 10 ans avec ce jeu. Donc forcément. C'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pomme. On était saoulés et en même temps on avait envie de savoir, c'était compliqué. Et les premiers retours à la sortie étaient très mitigés. Il y avait le fameux chapitre 13 qui cristallisait beaucoup de frustration et de critiques. Donc du coup, j'étais intrigué, intéressé, puis désintéressé. Mais malgré tout, quand j'ai ma PS4, je m'étais là, mais je vais enfin pouvoir comprendre, voir ce qui se passe avec mes propres petits doigts de gamer. Donc j'ai lancé le jeu plein d'entrain et intrigué surtout. Et presque, j'avais envie d'être un outsider, de dire non, moi FF15, je le trouve super. J'étais prêt à lui donner sa chance et à l'aimer. Est-ce que c'est le cas du coup? Bah, on va voir. Les questions de base hein, qu'on peut se poser face à un jeu comme ça, c'est est-ce que c'est un bon Final Fantasy au final? Fantasy, putain la vache, c'est nul. Et est-ce que, enfin pas est-ce que, mais qu'est-ce que ça dit du JRPG contemporain et qu'est-ce que ça promet pour le futur du JRPG? Parce que Final Fantasy a toujours été une licence un peu phare qui laissait présager des différentes évolutions du genre. Donc qu'est-ce que ça dit de ce genre tel qu'il est pensé et tel qu'il a été fait il y a 5 ans? Ça commence à dater, mais quand même, c'est assez contemporain encore, on s'est proche de nous, et il n'y a pas encore FF16, donc c'est le dernier en date, si on oublie FF14, qui vit sa petite vie très bien d'ailleurs. Mais du coup, voilà, c'est les questions que je vais me poser, qu'on va essayer d'élucider ensemble, et on va voir ce que ça donne. Après cette très longue intro, hein, même que l'intro est à l'image de la création du jeu, il a fallu beaucoup de temps pour en arriver là, mais ça y est, on y est. On est dans FF15, et alors, qu'est-ce qui se passe? S'y passe beaucoup de choses très vite. Je commence par les graphismes souvent parce que c'est la chose qui saute aux yeux. Avant même que le jeu commence, avant même le menu du jeu, il se passe déjà un truc. J'en parle juste vite fait, on y reviendra plus tard, mais le jeu s'ouvre vraiment, entre guillemets, quand on lance le jeu sur un message, un Final Fantasy pour les fans et les nouveaux venus. Ah, c'est beau, hein. On y reviendra plus en avant, je pense, mais... Je voulais quand même noter que c'était le premier truc qu'on voyait à répétition quand on lançait le jeu, avant même d'arriver à quoi que ce soit d'autre. L'intro du jeu, je viens de la revoir là pour en parler un peu, elle est, je pense, significative de beaucoup des problèmes, des ambitions, des aspirations et des bons côtés de FF15, et aussi de ce message de fans et nouveaux venus. Donc le jeu s'ouvre sur... Nos quatre héros face à une entité qu'on peut deviner comme étant Ifrit, parce qu'il y a plein de feux et que ça fait un peu penser au design d'Ifrit. Les quatre camarades, Ignis, Noctis, Gladiolus et Prompto, sont en galère face à Ifrit. Et vu qu'il fait chaud, c'est Ifrit au four. C'est des McCain. Ok, ok. Du coup, ils sont en galère face à Ifrit. et très vite, on passe à autre chose. Il y a un message, Before the Fall, avant la chute. Et on se retrouve dans une salle du trône, c'est très beau. Hein, voilà. Notre papa nous parle, nous dit bon vent pour ton voyage, pour aller retrouver ta bien-aimée. Et on voit un petit dialogue entre Noctis et son père, ça pose assez vite la relation entre les deux, ça pose aussi assez vite Noctis, qui est un casse-couille, on peut le dire. Et ensuite, une fois qu'ils sont partis sur le voyage, on a un panorama très beau sur une route désertique, avec nos quatre amis qui galèrent à nouveau parce que la voiture est en panne, ils doivent la pousser, et au moment où on commence à pousser la voiture, se déclenche une reprise de Stand By Me par Florence and the Machine. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't. Et on voit les petits copains qui rigolent, qui se plaignent, ça fuse de partout, les petites blagues et tout, en poussant la voiture avec la musique en fond. Et là, au bout d'un moment, une fois qu'on a un peu poussé la voiture et pu admirer les décors, l'écran titre, Final Fantasy XV, et hop, l'aventure est partie. Pourquoi je parle de l'intro? Parce que je pense qu'elle est très significative. On y reviendra un peu après, mais gardez tout ça en tête. Je pense qu'on en reparlera un peu, on essaiera de l'analyser un poil plus en détail un peu plus tard. Mais je pense que le fait que le jeu s'ouvre à la fois sur le message que je vous ai dit là, fan nouveau venu, et sur cette intro... Ça montre déjà beaucoup de choses et ça résume presque un petit peu tout Final Fantasy XV en 10 minutes, quoi. Mais dans cette intro, on voit aussi que le jeu est foutrement beau. Ça, on peut pas lui enlever. Le jeu est beau. Vraiment très beau. Techniquement, quoi, y a rien à dire. il tient la dragée haute aux productions AAA occidentales, ce qui était voulu, je pense, par Square. Hein. Il fallait imposer la marque FF dans le décor contemporain, en donner pour son argent à tous les joueurs et toutes les joueuses, et dire on est encore là. Parce que FF a toujours été une sorte de démonstration technique dans beaucoup de ses numéros. Du coup, c'était important de conserver cet aspect-là, je pense, pour les créatifs à l'origine du jeu. On peut pas leur enlever, c'est très beau. Après, je trouve que cette volonté de faire un jeu très très beau, qui s'approche du photoréalisme, même si c'est un monde plein de monstres, de chocobos et d'invocations, je trouve que ça manque d'une patte. Ce qu'on voit au tout début, justement, dans l'intro, quand on pousse la voiture, c'est très... saturé, il y a beaucoup de contraste dans les couleurs et j'aime bien, et je trouve que ça se perd un peu au fur et à mesure. C'est juste sur le grain de l'image ou la qualité, la photographie en fait, je trouve qu'elle est assez, assez banale, même si le jeu propose beaucoup d'environnements assez intéressants, certains panoramas qui restent bien en tête. Déjà dans la seconde partie du jeu, c'est beaucoup moins le cas. Il y a des environnements qui sont pas très intéressants quand même, beaucoup de cavernes, de ruelles nulles, de bâtiments en fer moches, hein, on s'en tape quand même pas mal au fur et à mesure du jeu, et le traitement de l'image en général, j'aurais aimé qu'ils soient un peu plus stylisés, voilà, mais j'imagine qu'il fallait s'adapter un peu aux attentes d'un triple A contemporain, et du coup ne pas avoir un style trop prononcé dans les graphismes, ce que je trouve dommage, parce que c'est très impressionnant techniquement, artistiquement il y a des très beaux plans, des très beaux lieux, des trucs qui restent en tête. Je ne sais plus comment ça s'appelle, l'endroit où on rencontre Titan, Kaelum, je crois, un truc comme ça, là, où il y a une espèce de météorite et tout, il y a des trucs assez impressionnants. Et même la ville, hein, Insomnia est très jolie, même si on ne la voit pas beaucoup. Alticia aussi, enfin bref, il y a beaucoup de beaux endroits. Et l'open world en général, même s'il y a des régions où ça se répète un peu niveau environnement, il y a quand même des efforts et un monde assez joli, assez cohérent artistiquement, mais qui n'est pas assez souligné parce que le rendu graphique est très basique. Voilà, c'est ma petite critique. Je sais pas si elle est fondée, je suis vraiment nul en graphisme, en technique, en FPS et tout, j'y connais rien. Mais c'est le ressenti, et j'ai mis du temps à comprendre ce qui me gênait un peu, parce que si on m'avait demandé, je ne me serais pas extasié sur les graphismes. Ah ouais, c'est très beau. Alors que ça l'est en soi, mais justement, pour moi, ça ressort pas tant que ça parce qu'il n'y a pas assez de travail ou de style particulier sur l'image. The Witcher 3, il est sorti avant, je pense, il me marque plus parce qu'il y a vachement un jeu sur la lumière, sur les couchers de soleil, etc. Et c'est exagéré, mais j'aime bien, enfin c'est un jeu, mettez-moi dans une ambiance, dans une atmosphère, quitte à ce qu'elle soit exagérée, au moins elle sera marquante et elle donnera le ton du jeu. Là, je trouve que le jeu retranscrit un univers très travaillé artistiquement sans y mettre de style particulier. C'est comme si je décrivais dans un livre des choses assez innovantes et intéressantes avec un style très basique. Voilà, pour cette comparaison un peu bancale. Mais c'est ce qui me frappe au niveau graphisme. Déjà, on sent un petit peu... Il y a déjà une sorte de dichotomie qui se montre rien que dans le ressenti que j'ai par rapport au graphisme, je trouve. C'est un thème qu'on va retrouver dans d'autres endroits, je crois. Voilà, attention, spoiler. Qu'est-ce qu'on y fait dans ce monde, en dehors des combats sur lesquels on reviendra? Eh ben, on explore, hein. Ça c'est sûr, il y a plein de quêtes secondaires, le jeu en est truffé, rempli, beaucoup de chasses, comme dans FF12, dans mes souvenirs, hein. Beaucoup de quêtes secondaires qui sont, hélas, souvent très peu intéressantes. J'ai pas souvenir d'une quête secondaire qui m'ait particulièrement marqué. Il y a quelques personnages qu'on rencontre à fur et à mesure, etc., mais... Elles sont vraiment souvent, en tout cas, peut-être que j'en oublie, et vous pourrez me dire, peut-être que j'en ai raté, mais souvent pas intéressantes, quoi. C'est des quêtes FedEx très basiques. rien de spécial. Du coup, on explore. Mais en fait, explorer, ça veut dire quoi dans FF15? Ça veut dire prendre sa voiture, aller au marqueur de quête, sortir de sa voiture, continuer à pied ou en chocobo, et faire un petit truc à la con, récupérer un objet, chercher des grenouilles. C'était l'enfer d'ailleurs, cette quête de recherche de grenouilles, là. Et puis revenir, quoi. Et puis voilà. Et quand on explore un peu à l'aveugle, bah, on peut tomber sur des petits objets, sur des monstres qui se baladent, mais c'est tout. Il y a quelques trucs, les objets qu'on ramasse seront utiles pour le craft. Le craft de quoi? De pas grand chose. Il y a des trucs utiles pour faire des recettes et faire à manger avec Ignis quand on campe. On va reparler juste un peu après. Il n'y avait jamais vraiment de surprise, de panorama magnifique, de PNJ un peu perdu sur qui j'allais tomber. Le monde est assez vide, en fait, rapidement. Du coup, on explore, ok, mais on explore dans le cadre des quêtes secondaires qui sont pas très intéressantes. Et quand on explore hors du cadre des quêtes secondaires, il n'y a pas grand chose à foutre. Donc c'est embêtant. D'autant plus que, je continue sur les défauts, explorer un monde. Et c'est fou parce que le jeu auquel je joue en ce moment, là, ça n'a rien à voir, c'est pas un JRPG, c'est le Spider-Man d'Insomniac là, sur PS4. Explorer un monde. Bah ok, soit, donnez-moi un monde à explorer. Mais il faut que ce soit intéressant de se déplacer dans le monde pour que je l'explore. J'ai plusieurs fois essayé de jouer à Horizon Zero Dawn, enfin Horizon Zero Dawn, et j'aime bien, mais il y a un truc qui m'embête. Et c'est en jouant à Spider-Man, du coup, auquel je joue en ce moment, que j'ai compris. Spider-Man, je pense que c'est le premier monde ouvert dans lequel je fais tous les petits trucs à la con. J'ai récupéré tous les sacs à dos et tout. Pourquoi? Parce que c'est trop bien de traverser le monde en tissant des toiles. Explorer le monde, juste se déplacer dans le monde, c'est une activité intéressante, gratifiante, plaisante. Et il n'y a pas ça dans FF15. Alors, exception faite des moments où on a des chocobos. À la limite, ok, explorer le monde en chocobo, c'est cool. J'aime bien le feeling des chocobos. Ils sautent un petit peu haut, ils planent un petit peu et tout. Et puis on est en chocobo, c'est cool. Ça, ok. À pied, pourquoi pas. C'est un peu chiant, mais en plus, on peut un peu vite fait se téléporter avec l'épée de Noctis. À la limite. Mais la voiture, ce qui est censé être le point d'orgue de Final Fantasy XV, le jeu, dans l'intro, avant que le titre s'affiche, la voiture est au centre. Le jeu est construit comme un road trip, mais la voiture, elle est nulle à conduire. C'est nul. Vraiment, enfin, il n'y a rien, en fait. Je ne vais même pas critiquer, enfin, je ne vais pas vous dire si ou ça, il n'y a rien. C'est chiant, il n'y a rien à faire. C'est nul. On peut à peine la bouger, etc. Alors, apparemment, au bout d'un moment, elle devient tout terrain et elle peut voler, la voiture. Moi, je crois que je n'ai pas vu la voiture voler. Donc, peut-être j'ai mal fait mon travail pseudo-journalistique de gamer qui veut vous informer. Parce que j'ai peut-être pas fait toutes les quêtes qu'il fallait pour qu'elle vole. Pourtant, j'en ai fait pas mal des quêtes avec Cindy, mais visiblement pas assez. Mais bah ouais, mais en tout cas, quand on la conduit, c'est nul à chier. Et s'il faut attendre 40 heures pour finalement pouvoir la faire voler, bah c'est dommage. Donc dans la majorité du jeu, je laisse une exception possible si après ça devient trop bien de la faire voler. C'est chiant de se balader dans le monde. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah moi j'allais en conduite automatique, donc j'avais un écran de chargement. Du coup finalement, je me rendais aux quêtes sans voir le paysage, sans trop me déplacer dans le monde. À des moments j'essayais de me limiter un peu pour quand même vivre un peu les petits moments sympas et tout. Mais en fait c'est chiant de la conduire quoi. Du coup c'est chiant de se balader, du coup t'as pas envie de te balader. Et en plus quand tu te balades, y a pas grand chose à faire. Du coup c'est dommage pour un monde ouvert. C'est très dommage même. Ça n'empêche pas que ce monde ouvert que j'arrête pas de critiquer offre quand même des moments inhérents à tout monde ouvert, quand un monde ouvert est bien fait, des moments où tu t'immerges vraiment dans le truc et où tu apprécies d'y passer du temps, mais ces moments ont été pour moi trop rares et un peu contre le jeu presque. Enfin, c'est le jeu qui permet tout ça évidemment, mais ils sont pas facilités par le jeu quoi. Parce que la conduite est nulle, donc moi j'avais tendance à me téléporter, et parce qu'il n'y a pas grand chose à faire quand tu te balades comme ça, mais quand tu prends le temps, voilà, à dos de chocobo, je me suis dit, vas-y, bah là, c'est à 1 km, c'est pas grave, j'y vais en chocobo, traverser les plaines et tout, il y a des moments où j'ai pu apprécier le monde ouvert, parce que pour moi, les moments les plus cool d'un monde ouvert, si je pense à un souvenir qui me marque beaucoup, je parle de beaucoup de jeux qui sont pas des JRPG, là, mais c'est pas grave, on parle de monde ouvert, donc voilà, il y a un jeu de Square Enix aussi, hein, Sleeping Dogs, où j'ai vraiment des très bon souvenir de juste rouler en voiture dans la ville avec telle ou telle musique qui se déclenche un peu au pif et qui crée un moment. Pareil dans Mafia 3 d'ailleurs, des moments du coup qui sont les plus marquants pour moi dans les mondes ouverts où tu fais rien, où tu explores un peu juste pour le plaisir d'explorer, parce que là, tu vis un moment spécial, un peu aléatoire, parce que la musique qui se déclenche, est-ce que t'es de nuit, est-ce qu'il pleut, etc. Tout ça n'est pas prévu. Et juste les facteurs s'alignent pour faire un truc cool à ce moment-là qui te marque. En tout cas, qui, moi, me marque beaucoup dans les mondes ouverts. Ces moments un peu d'exploration au pif, avec les étoiles qui s'alignent pour faire un moment particulier où tu as vraiment l'impression de vivre dans ce monde ouvert. En FF15, j'en ai eu quelques-uns, mais ils sont vraiment très rares, quoi. J'ai dû un peu, j'ai l'impression, en tout cas, les arracher au jeu parce qu'ils ne facilitent pas du tout ces moments-là. Donc, c'est dommage. C'est dommage. Mais ça existe quand même. Donc je vais pas non plus cracher sur le jeu. Le monde ouvert est fait de telle façon et assez bien cohérent pour qu'il puisse exister, mais n'est pas assez bien pensé, assez bien rempli, assez bien dense, peut-être assez bien dense, je sais pas si ça se dit, mais vous comprenez, pour qu'il soit là souvent. Ceci dit, en dehors des combats, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on campe. Parce que la nuit, le monde est dangereux, ça c'est bien, le cycle jour-nuit. Effectivement, au début du jeu, on n'a pas envie de se déplacer la nuit, parce qu'il y a des gros monstres qui font peur et qui nous démontent. Ça, ça rend le monde plus cohérent, plus vivant, on a l'impression d'y vivre encore plus, donc ça c'est bien. Et du coup, la nuit, on campe, soit on va dormir à l'hôtel ou dans une caravane, et là, bon bah voilà, on dort. Soit on campe dans la nature avec nos copains. Là, c'est super. Ça, c'est une des forces du jeu. Les moments de camping sont vraiment bien. Il y a une petite scène un peu fixe où on voit les copains discuter. On choisit quel plat Ignis va préparer. Et là, du coup, le craft et ce qu'on récupère un peu par-ci par-là rentre en compte parce qu'il faut qu'on ait les ingrédients et les recettes pour pouvoir créer des petits plats qui donneront des bonus pour les combats qui vont suivre. Ça, c'est bien. On peut ensuite regarder les photos que notre ami Prompto a prises au cours de la journée et du coup choisir les photos qu'on va garder ou pas. Ça, c'est bien aussi. Et en plus, c'est le moment, niveau gameplay, où l'expérience engrangée est effectivement distribuée au personnage. Donc ça nous force un peu à camper. Ça fait sens hein, que ça soit, je sais pas, le moment où ils se posent, ils discutent de la journée, on regarde les photos, on mange un bon petit plat. Et du coup, la journée, c'est une sorte de bilan. Hop, tout ce qu'on a fait, on l'engrange et on l'accepte et on continue le voyage avec ces nouvelles leçons de vie apprises au cours et à mesure. Pourquoi pas, au fur et à mesure de cette journée. Donc ça, c'est vraiment des moments super qui sont un peu l'âme du jeu et où on voit ce qu'ils ont voulu faire et où c'est bien fait, où ça marche bien. Donc ça, c'est un point très positif. Ça rend vivant les personnages et leur voyage plus que le monde, en fait, quelque part. Mais c'est super. Et c'est aussi les seuls moments, les interactions entre les personnages, qui sonnent vraiment juste et qui font vivre le monde, c'est les interactions, du coup, les dialogues. Quand on marche dans ce monde un peu vide où il n'y a pas grand chose à faire, ils se parlent, ils racontent des trucs. Ça se répète souvent, mais ça marche. Ils parlent tout le temps, pendant les combats, pendant qu'on court, pendant qu'on fait ci, pendant qu'on fait mi. Et ça, c'est bien. Encore une fois, du coup, c'est le problème que j'ai, hein, c'est qu'hors dehors des combats, du coup, puisqu'on va en parler juste après, ce qui a l'air vraiment réel, on va dire, c'est les personnages. Et les lieux aussi qu'on visite, hein. Encore une fois, je leur dis, j'ai en tête quelques localisations vraiment cool du monde, mais c'est entre, quoi. C'est le monde ouvert qui pour moi, pêche. Donc, c'est dommage. À la pêche, d'ailleurs. Oui, il y a un mini-jeu de pêche. C'est sympa. Voilà, il est cool. J'en ai pas fait tant que ça, mais c'est marrant. Ça aussi, ça rend le monde plus vivant, mais à des endroits définis. Et puis, bon, c'est pas non plus le truc du siècle. Hein. C'est sympa. Hein. C'est un mini-jeu cool qui, en plus, caractérise bien Noctis parce que c'est son petit péché mignon. Hein. En plus, il est mignon quand il pêche. Faire de la pêche, du coup. Et c'est cool. Pareil, les courses de chocobo, j'en ai pas trop fait, mais c'est là. Donc, il y a des trucs faits pour faire vivre le monde, mais c'est très fragmenté et fragmentaire, et ça n'enlève pas le fait que le monde en tant que tel, les étendues immenses qu'on nous propose d'explorer, on n'a pas trop raison de le faire. Par contre, le voyage et le fait que certains personnages les explorent, ça c'est bien fait. Donc c'est entre les deux, quoi. Hein, voilà, c'est ambivalent. De toute façon, c'est un peu le mot qui va le mieux à FF15, je pense, c'est l'ambivalence. Est-ce que, ceci dit, les combats, la bagarre, elle est bien faite. On va voir. We'll be right back. Et ben là encore, j'aurais du mal à vous dire oui ou non. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai pris aucune note pour cet épisode, peut-être que ça se sent. Mais du coup, je vous dévoile un peu mes ressentis à brûle pour point. J'ai fini le jeu il y a un mois, donc c'est pas vraiment à brûle pour point, mais j'en ai gros sur le cœur, gros sur la patate. Il faut que je parle de ce jeu. Je sais pas si je suis assez clair, j'espère l'être. Quelque part, c'est à l'image du jeu. Hein. Et du coup, les combats, alors c'est un action RPG. Ça, on peut le dire, c'est concret. C'est plus un jeu au tour par tour, comme ce fut le cas jusqu'à FF13. Même FF12 n'était pas non plus au tour par tour, mais avait un aspect très stratégique. On aurait du mal, je pense, à le décrire comme un action RPG. Mais là, c'en est un, clairement. Parce que c'est en temps réel. Voilà, FF12, on prévoit les actions avant, etc. Du coup, c'est pas vraiment la même chose. Là, on tape, on appuie sur un bouton, ça tape. C'est parti. Vous savez que les action RPG, c'est pas que j'aime pas ça. J'adore Bloodborne, j'adore Dark Souls, tout ça, y a pas de problème. J'ai bien aimé Tales of Vesperia. C'est juste que, eh bien, je suis... un fan de Final Fantasy, du coup ce jeu est censé être fait pour moi et nouveau venu, et j'ai du mal à attendre ça d'un Final Fantasy. Alors peut-être que je fais un peu le réac vieux con, mais bon déjà juste, ça fait bizarre pour moi me dire un Final Fantasy en action RPG, qu'est-ce qui se passe? Acceptons le jeu, on va pas lui faire un procès d'intention qu'il n'a pas. Ok, c'est un action RPG, ça marche. Est-ce que les combats sont bien? Ça va, les animations sont cool, le système de combat de Noctis est assez agréable parce qu'il voltige dans tous les sens, il se téléporte avec son épée et tout. Ça veut dire que c'est assez basique, c'est pas non plus rempli de combos et de coups spéciaux et tout, mais c'est cool. Ce qui manque, c'est un aspect un peu plus stratégique, parce que on contrôle du coup Noctis, on peut changer et jouer les autres, je l'ai fait un petit peu, mais pas tant que ça, mais on contrôle surtout Noctis. Ses coups sont assez basiques, on peut s'équiper de 4 armes, enfin armes ou magie. On a en plus de ça des coups spéciaux qui font intervenir les autres bonhommes de notre équipe, coups spéciaux qu'on peut changer, chacun de nos alliés a un coup spécial qu'on peut lui équiper, comme si c'était un objet. Du coup, on peut décider un peu, ok, un petit peu de menuing, hein, personnaliser son groupe. Les ennemis ont des vulnérabilités, peuvent être plus vulnérables aux dagues ou à la lance, au feu ou à la foudre, etc. etc. Et en plus de ça, il y a un système de coups dans le dos qui font plus mal, ou bien on peut essayer de faire tomber les ennemis pour les rendre vulnérables. Grosso modo, je crois pas oublier grand-chose en vous disant tout ça. C'est les bases du système de combat. Est-ce qu'il est bien? Ça va. Il est très brouillon, en fait. À cause de la caméra, qui est vraiment nulle pendant les combats, ce qui gâche un peu le plaisir. Et parce que, justement, le fait qu'on soit limité avec Noctis à 4 armes fait qu'on ne peut pas réagir sur le coup aux différentes vulnérabilités que les ennemis ont. Vulnérabilité qu'on ne peut voir que si Ignis analyse les ennemis, ce qu'il ne fait pas tout le temps. Mais du coup, imaginons, moi j'ai une épée à deux mains, une épée à une main, des dagues et une magie de foudre. Si l'ennemi il est sensible au feu, il faut que je fasse pause, que j'aille dans le menu et que j'équipe une autre magie. C'est super chiant. C'est vraiment pas pratique. Ça casse tout le dynamisme des combats. Là, ils sont en action RPG. Du coup, leur grand but, et c'est ce que voulait Nomura depuis le début, et c'est ce que Tabata a gardé, c'était qu'il n'y ait pas de transition entre l'exploration et les combats, qu'on voit, qu'on passe d'un truc à l'autre directement, qu'il n'y ait pas de temps mort, de temps de chargement, de fragmentation, comme c'est le cas dans les JRPG plus basiques, où il y a une sorte d'abstraction des combats qui se passe ailleurs, et qui, du coup, il y a une petite étape de chargement entre les deux. Il ne voulait pas ça, Nomura, Tabata a gardé ça, et c'est ce qui correspond à un monde ouvert assez contemporain, assez basique, où on voit un ennemi, ah, on le tape, il n'y a pas... la transition et bim on est ailleurs et là on peut combattre. Mais du coup bah ça c'est super comme ambition si vous voulez faire ça, ça rend le jeu plus dynamique, ça en fait un vrai action RPG, bah, la Dark Souls et tout, et... Oh, sans vouloir, il n'y a aucun truc de Dark Souls dans le jeu, mais juste c'est la même volonté de rendre le tout dynamique et sans chargement entre l'exploration et les combats, c'est tout ce que je dis, hein. N'allez pas me dire ah il dit Dark Souls partout, nanana, c'est un journaliste, tout le monde dit Dark Souls tout le temps, non c'est pas ce que je fais, et puis je suis pas journaliste donc même si je voulais je pourrais dire des conneries, voilà. Du coup ils font ça, et pourtant, si tu veux être un peu malin et garder un peu cet esprit tacticien propre à Final Fantasy, dans ma tête en tout cas, bah faut que tu fasses pause, que tu ailles équiper un truc dans le menu, et ensuite, tu reviens dans le combat et tu peux appliquer la bonne vulnérabilité. C'est chiant. Et du coup, tu le fais pas, et du coup, tu fais avec ce que t'as sous la main, en tout cas c'est ce que j'ai fait, et du coup bah tu profites pas tant de l'aspect tactique en fait, qui est finalement assez superficiel. D'ailleurs la magie, ils ont un système de magie assez cool, où tu peux créer tes propres magies. En gros la magie c'est comme un objet qu'on peut récupérer, un peu comme effet fuite. Il y a des sortes de puits de magie où tu vas récupérer 99 itérations de la magie feu, et après tu vas les créer dans un menu. Du coup tu vas mettre, je sais pas, 30 magies de feu, et du coup ça fera un sort de feu niveau 52. Si t'en mets 60, ça sera niveau 85 et ta magie sera plus forte. Et tu peux en plus à ça ajouter dans ce craft de magie des objets en plus. Comme ça ta magie feu, si tu lui mets une potion, ça va être un feu régénérateur qui va te soigner pendant que ça blesse l'ennemi. Ou si tu mets une queue de scorpion que t'as récupéré en tuant un scorpion, bah ça fera un feu infectieux qui va enflammer et empoisonner l'ennemi. Ça transforme un peu le truc en magie des mousquetaires, quoi, avec Maïté. Aujourd'hui, je vous ai préparé une petite foudre pétrifiante. Alors, c'est très simple. 45 foudres ainsi qu'une épine de cactuar. Et là, vous pourrez constater que l'ennemi sera à la fois électrocuté et figé. Ce qui est très pratique pour ensuite le taper. Donc, je recommande vraiment cette recette. C'est un système de magie assez cool, mais dont tu te sers pas tant que ça. Parce que c'est chiant d'aller dans les menus, encore si on devait juste aller dans le menu pour créer la magie, et après on pouvait y accéder à la volée pendant le combat, genre une petite roue des magies. Super, je prendrais 5 minutes entre deux combats pour faire 5 magies à l'avance, et comme ça, bim, je serais paré. Mais là, non. Souvent, ce qui se passe, c'est que tu as des magies à l'avance, mais tu sais pas si ça va correspondre au bonhomme, au monstre que tu vas avoir en face. Du coup, bah, tu fais pause dans ton combat et en plus de seulement équiper une magie pour qu'elle soit utile dans ton combat, tu vas aussi en créer d'autres et du coup, ça va interrompre ton combat. Peut-être, vous allez me dire, c'est toi qui t'y prends mal, Stavro, t'avais qu'à en faire à l'avance. Bah oui, d'accord, mais si j'en fais à l'avance 4 de glace et finalement, ils sont sensibles au feu, on me dit, bah fais-en 2, 2, 2, 2, 2, bah très bien, ça enlève pas. Même si admettons, j'étais bien préparé, j'avais fait toutes mes magies à l'avance, j'aurais quand même dû aller changer dans l'équipement, ça aurait quand même été chiant. Un peu moins chiant, mais quand même chiant, et du coup ça gâche le dynamisme des combats, à mon sens. Combats qui sont du coup assez brouillons, assez peu tactiques, et qui pendant beaucoup des confrontations auxquelles on est amené dans l'histoire principale, sont pas si intéressantes que ça. Par contre, et il faut bien le dire, il y a quelques combats bonus, justement amenés par les quêtes secondaires, les chasses qu'en gros qu'on peut faire sont pas mal. Il y a également des combats assez intéressants vers la fin du jeu, mais en fait je pense que les combats sont intéressants, soit dans les chasses, les quêtes secondaires, soit à la fin du jeu, quand ils vont vraiment dans le côté action RPG. Ils essayent de trouver un équilibre un peu foireux, hein, on y revient, à la tension, à la dichotomie, entre un système de vulnérabilité et de magie qu'on n'utilise pas trop, parce que c'est pas pratique. Et un action RPG qui peut plaire à tout le monde parce que les coups de Noctis sont stylés, les animations sont cool, on peut faire des trucs assez impressionnants en faisant pas grand-chose. Ce qui marche, c'est les faiblesses au sens où on va taper dans le dos d'un ennemi, ça lui fera plus mal, ou on va taper sur un ennemi en même temps que notre pote, du coup ça lui fera plus mal. Ça marche parce que c'est assez dynamique. Mais dès qu'on essaye d'en rentrer dans un truc un peu plus stratégique, un peu plus tactique, de vulnérabilité, d'éléments, etc., un peu comme dans les autres Final Fantasy, c'est pour ça que moi j'ai réfléchi tout de suite dans ces termes-là en y jouant. Bah là ça marche pas trop, parce que le système s'y prête pas trop justement. Donc ils auraient dû aller à donf dans l'action RPG, ou alors permettre d'avoir une roue des magies, une roue des armes pour pas interrompre les combats. Mais le système de combat devient assez plaisant quand il est plus dynamique, quand il est plus action, vers la fin du jeu. Notamment quand on joue, en fait, j'en parle maintenant, il y a des DLC où on joue que les autres personnages, comme ceux d'Ignis ou de Gladiolus, qui du coup n'ont pas de magie, on n'a pas allé dans les menus en fait pour jouer, pareil pour Pronto, et du coup c'est bien, on a des roues, voilà, et du coup d'un coup c'est bien, c'est dynamique, c'est un bon action RPG, on s'amuse bien, c'est ce qui manque au jeu de base quoi, qui a voulu rajouter un système qui ne marche pas trop pour un action RPG, celui des magies à équiper, celui d'un nombre d'équipements limité qu'on doit changer en allant dans le menu et pas à la volée, et ça marche pas trop. Donc en fait c'est bien quand ils assument d'être un action RPG. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils vont faire pour FF16. Je crois qu'il y a un mec de Devil May Cry qui va bosser avec eux pour le combat. Ça a l'air vachement plus action. Du coup, je pense qu'ils ont arrêté ce côté un peu foireux, le cul entre deux chaises. C'est action, mais il faut quand même réfléchir. Non, bah non, faut moins réfléchir. Faut plus réagir. Faut plus prendre des décisions rapides sur le moment. Faire une esquive. Passer comme avec Ignis sur les lames de glace et pas sur les lames de foudre. Mais ça se fait en une pression de bouton. Et hop, c'est bon. Et ça aurait été super s'ils avaient directement assumé ce côté-là, en fait. Voilà mon problème avec le combat. J'ai réussi à le trouver, à le comprendre avec vous, là, ça y est. Il fallait pas passer par les menus, il fallait pas faire genre c'est un peu à l'ancienne, alors que c'est pas à l'ancienne. Il y a même un mode stratégique qu'on peut activer si on veut dans les combats, où en gros il y a une pause, un ralentissement du temps quand on bouge pas. C'est nul. C'est nul comme mode, ça change pas tant que ça. C'est pas si intéressant, je trouve. C'est un balbutiement, je pense, du système qu'ils ont utilisé dans le FF7 Remake, qui est vachement plus abouti. Mais là, ils sont vraiment... Ouais, je pense que c'est un jeu qui leur sera utile pour la suite, parce qu'ils ont pu défricher un peu des possibilités du combat en faisant celui d'FF15, qui n'est pas mauvais, mais qui a le problème de vouloir faire trop de choses et de ne pas avoir pris une décision, une direction assez claire tout de suite. Voilà, ce qui, encore une fois, vous avez vu, chaque partie, on arrive à la même conclusion. C'est assez incroyable. Et j'ai pas parlé de quoi. Les invocations, très impressionnantes. On n'a quasiment aucun contrôle dessus parce qu'elles se déclenchent quand le combat dure trop longtemps. Et on ne choisit pas quelle invocation on va lancer. C'est selon le milieu, j'ai l'impression, le terrain sur lequel on est. Si c'est plus dans de la glace, ce sera Shiva. Si c'est plus dans de la terre, ce sera Titan, etc., etc. Donc ouais. C'est très impressionnant, mais c'est juste un gros bouton, le combat dure trop longtemps, je veux qu'il s'arrête, et voilà. Et il y a un système aussi de transe, de moment où Noctis est un super guerrier, quoi. Si je résume, hein, il a un arsenal fantôme, quoi. Bah, c'est sympa, mais c'est sympa, c'est impressionnant, au niveau animation, au niveau mouvement, ça va vite, ça fait piou, on fait plein de trucs d'un coup, c'est assez cool, mais ça change pas grand chose au combat, quoi. Donc j'en parle pas plus que ça. Donc ouais, voilà, je crois que j'ai tout dit sur les combats. Ah bah non! Ah, j'oubliais les quelques moments où on a des combats justement pour apprivoiser les invocations qui sont des dieux, hein, dans l'histoire du jeu. Il y a des combats très spectaculaires où Noctis peut voler et on se déplace dans les airs. C'est super impressionnant, mais c'est nul niveau gameplay, quoi. C'est une sorte de... Vous connaissez Panzer Dragoon ? C'est un vieux jeu où on contrôle... C'est une sorte de shoot'em up, on va dire, si je résume, mais en 3D. Et là, c'est un peu l'idée. On m'a martelé un bouton en se déplaçant les airs, en esquivant quelques attaques. Et c'est pas très intéressant, quoi. Ça se veut spectaculaire, ça l'est. Mais niveau gameplay, c'est pas ouf. C'est entrecoupé de QTE, le moment où on doit appuyer sur tel ou tel bouton. Et c'est pas fameux. C'est dommage parce que, si vous vous souvenez de ce qu'on a dit pour FF4, les combats de JRPG, en tout cas... tels qu'ils sont pensés dans FF, parce que c'est une vue en 2D, vue de côté. Directement, c'est pensé par le créateur des combats, dès le premier, comme un espace théâtral, qui du coup peut permettre de raconter une histoire. Même si c'est un combat et que c'est un moment de pur gameplay, ça peut quand même raconter une histoire. Et là, je pense qu'ils ont un peu perdu cette vue, même totalement, en voulant transformer ces passages impressionnants contre des gros gros boss gigantesques, hein, c'est des maisons les trucs, même pas des maisons, des immeubles, les transformer en passages cinématiques où on joue un petit peu. Mais ils ont oublié que les combats pouvaient déjà avoir une force évocatrice et narrative en eux-mêmes, même quand ils sont en 2D avec des bouts de pixels, en fait. Et que du coup, ils auraient peut-être dû plus faire confiance à leur système plutôt que de vouloir rajouter un autre mode de combat plus spectaculaire, mais finalement pas très intéressant en termes de gameplay. Et c'est pour ça aussi que les boss de fin, que j'aime bien, sont cool, parce que c'est pas des trucs pseudo-cinématiques avec des QTE, c'est des combats contre des ennemis qui sont durs à battre, mais qui utilise le système de combat de base, et qui l'utilise même de façon mieux que la plupart des autres combats avant la fin, parce que c'est purement de l'action RPG où les ennemis vont vite, ils ont des gros patterns à esquiver, et là du coup tu réfléchis plus trop en termes de « Ah mince, j'ai pas une lance, j'ai des dagues », plutôt en termes de « Ok, quand il lève son épée, faut que je saute, ou faut que je me casse, parce que sinon je vais prendre cher ». Et où là du coup tu réagis, et tu es plus dans un action RPG dynamique, plutôt que dans un truc un peu branlant, quoi. Voilà, là je crois que j'ai tout dit. Et finalement, j'aime bien, pas désagréable, mais ça aurait pu être beaucoup mieux. Ouais, ça aurait pu être beaucoup mieux. Mais bon, mais... allez, qu'à cela ne tienne. Les combats, c'est pas tout dans un JRPG. Le scénario, l'épopée, l'aventure épique imaginée par plein de gens différents. Il y a Nojima aussi, hein, qui, parce que Nomura, il réfléchit, il donne des thèmes, il a des idées, mais je crois que c'est Nojima qui a écrit le scénario. Je crois que c'est celui qui a fait le scénario de FF10, si je me trompe pas. Peut-être que je dis une connerie, mais j'ai pas envie de vérifier, et je crois que c'est lui. Donc bref, plein de gens différents se sont attelés au scénar, il y a eu plein de versions différentes. De base, c'était une sorte de mythologie commune à FF13, Agito 13 et Versus 13, que chacun allait réinterpréter à sa sauce. Bref, plein d'ambitions incroyables. Est-ce que le scénario est bien, au final? Ah là là. Qu'est-ce qui est bien? J'en ai marre de toujours faire ce qui va pas. Ce qui est bien, c'est les personnages. C'est le road trip, c'est l'aventure entre les copains, c'est le compagnonnage. Alors, c'est pas des artisans qui font le Tour de France, hein, mais c'est leur relation, quoi. Ça, c'est bien. Ça rejoint ce que je disais sur le monde et les moments où on campe, qui sont vraiment plaisants. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dès l'intro, hein, quand ils commencent à parler autour de la voiture en panne. Là, ok, on y est, on sent le dynamisme des dialogues, la relation entre les personnages. C'est bien. C'est ce qui tient le jeu. D'autant plus que... Ils parlent tout le temps, comme je l'ai dit, et même les moments où on campe et tout, il y a vraiment des petites quêtes secondaires qui se déclenchent avec les personnages pour explorer un peu la relation de chacun, genre Noctis va aller récupérer de la nourriture avec Ignis, ou va aller s'entraîner avec Gladiolus. Bref, ça, ils ont mis du soin à le faire, et c'est agréable, et c'est bien travaillé, c'est ce qui porte le jeu, en fait, c'est les quatre personnages, leurs relations, etc. Ça, c'est cool. Et encore, et oui, même là, il y a un bémol. Parce que même si c'est ce qui porte le jeu dans quasiment toute l'aventure, il y a quand même des gros trous, quoi. Des trucs qui ne sont pas dits, qui ne sont pas clairs. Pourquoi ? Bah parce que c'est dans des DLC, parce que c'est dans un animé, Brotherhood, qui se concentre sur le passé de chacun des personnages. J'ai pas fini l'animé, j'ai regardé 2 épisodes, je crois, mais j'ai eu la flemme, l'épisode 2 m'a trop énervé. Parce que du coup, c'est qui les personnages ? C'est Ignis, un petit bonhomme à lunettes qui est... quelque sorte le valet un petit peu de Noctis et qui le suit depuis sa plus tendre enfance. Donc c'est un camarade très dévoué. Il y a Noctis, hein, du coup, qui est le héros du jeu, qui est le prince du royaume de Lukis. Royaume très important parce que c'est le seul royaume qui a un cristal, source de sa magie. Noctis, du coup, est le fils de Regis, ou Régis, qui est le roi de Lukis, qui vit du coup dans la capitale d'Insomnia, une grande métropole très moderne, très contemporaine, qui ressemble vachement à une sorte de Tokyo. Et puis il y a des voitures, des immeubles, enfin c'est très moderne. Hein, c'est, ça, des Versus 13, c'était comme ça, et ils ont conservé cette côté fantasy très urbaine, où les gens sont en costard, ils ont des BM et tout, quoi. Donc on a Noctis, qui est le prince de ce royaume, qui, en gros, au début du jeu, doit partir de la capitale. Justement, c'est l'intro du jeu, où son père lui dit, bah, vas-y, arrête d'être un connard, et tiens-toi bien, et prends un peu en compte le fait que tu sois un prince, t'es pas n'importe qui. Et tu te comportes pas trop comme un prince, t'es un peu une tête de con. Il lui dit pas comme ça, mais c'est ce que ça veut dire, et c'est ce qu'on comprend très vite, parce que Noctis, c'est vraiment une tête à claque. Il doit aller, du coup, se marier avec sa promise, Luna Freya. Luna Freya Nox Fleuret, je crois, de son nom complet, qui est la princesse de Tenebrae, un autre royaume du monde d'Eos, où se passe FF15, un royaume annexé par l'empire de Niflheim, un empire méchant, qui, grâce à la technologie bizarre de soldats un peu robots, a envahi beaucoup d'endroits. Voilà, les méchants, quoi. L'empire méchant. Vous avez vu, il y a beaucoup de noms propres, beaucoup de trucs à retenir. Hein. Et encore, je fais ça de tête, donc j'en oublie peut-être. Mais bon, vous vous rendez compte, il y a un univers travaillé, cohérent, qui a l'air assez riche, qu'on nous présente de façon très sommaire, très parcellaire, pas très claire, pour finir de rimer. Donc ouais, ça c'est dommage, ça a l'air bien, hein, et de ce qu'on en voit, c'est stylé, mais c'est pas du tout clair. Ça rejoint un peu l'intro du jeu, parce qu'on a parlé de l'intro cinématique, mais il y a aussi le tutoriel du jeu, où on nous apprend à nous battre et on nous donne des infos sur l'univers, grâce à des tableaux. On voit des tableaux, on lit les descriptions, ça nous dit, oh là, il y avait des dieux, ils étaient 6, il y a eu une guerre des dieux il y a 2000 ans, depuis les dieux, ils sont endormis, les humains règnent, parce que les dieux, ça les a saoulés, je sais plus, je résume. Hein. Et il y a aussi la lignée des rois magiques du Lukis qui ont le pouvoir du cristal qui leur permet d'être magiques et d'avoir une magie super et de protéger leur royaume parce qu'il y a une grande barrière autour de la capitale Insomnia qui est là grâce au cristal et la force du cristal, elle est incarnée dans le roi du Loukis, du coup, qui est l'héritier de ce pouvoir magique ancestral. Donc c'est Régis, père de Noctis. Et plus tard, ce sera Noctis, parce que son papa meurt très vite hein, au début du jeu. On va pas vraiment un spoiler. Et Noctis, du coup, doit assumer son rôle de roi, autant au sens politique qu'au sens magique, où ça devient le chef de la magie. D'ailleurs, toute la magie de nos copains, Ignis que j'ai présenté, mais aussi Prompto et Gladiolus, découle du fait que Noctis soit le roi. S'il n'y avait pas de roi, il n'y aurait pas de magie, pour eux en tout cas. Donc voilà, c'est important, c'est très aristocratique comme délire, mais ça pose un peu les bases de leur relation. De toute façon, tous ces personnages sont là parce que Noctis est roi, hein, prince puis roi. Régis a dit un jour à Ignis, bah tiens j'ai un fils, il est prince, occupe-toi de lui. Donc Ignis, du coup, bim, c'est bon, c'est parti. Prompto, du coup, c'est le petit marrant de la bande. Hein. Ignis, c'est l'intello, il a des lunettes. Prompto, c'est le petit marrant, il a des cheveux ébouriffés, il fait de la photo, il fait des blagues. Donc lui, voilà, c'est très archétypal, mais ils le sont tous. Et enfin, il reste Gladiolus, gros bourrin survivaliste, qui est le protecteur du roi, le bouclier du roi. Donc on a cette bande de joyeux lurons, les quatre, qui vont partir de leur royaume de Loukis, de la capitale d'Insomnia, pour aller voir Luna Freya, pour sceller le mariage. Le mariage, c'est un peu une sorte de symbole de paix, parce que vu que Tenebrae, l'endroit d'où vient Luna Freya, est annexé par l'Empire de Niflheim et les méchants, en scellant le mariage entre les deux, eh bien, ça confirmera une alliance, un traité de paix, une trêve entre Loukis, le royaume, et les méchants de Niflheim, parce que ils se font la guerre depuis longtemps, parce que le Loukis, c'est le seul endroit qui n'a pas été assiégé et envahi par l'Empire, et du coup, l'Empire propose une trêve, une alliance, quoi. Et elle se formalise grâce à ce mariage, donc c'est important, c'est pour ça que le père, dans l'intro, dit « Vas-y, tiens-toi bien, et fais un peu style tes princes, parce que c'est politiquement important que t'ailles épouser cette meuf ». Et ensuite, s'ensuit du coup le road trip pour aller retrouver notre bien-aimé. Donc là, voilà, on a parlé, on explore le monde. Apparemment, on n'est pas trop pressé non plus parce qu'on peut aller chasser des monstres et récupérer des trucs et des grenouilles pour machin et machin. On apprend au cours de ce road trip que, en fait, c'est la merde. Parce que c'était une ruse des méchants, le fait de signer un traité de paix. Parce que pendant que Noctis va chercher Luna Freya pour se marier avec elle à la capitale d'Insomnia, là où vit Régis, se tient une cérémonie pour signer l'accord de paix, avant qu'il soit formalisé et entériné par le mariage. Sauf qu'en fait, bah, l'Empire est méchant, du coup, ils en profitent pour envahir le Loukis, pour tuer le papa de Noctis, pour prendre le cristal source de la magie, et voilà, c'est la merde. Alors tout ce que je dis là, cette petite passage d'invasion, de destruction, de meurtre du papa de Noctis, ce n'est pas dans le jeu, voilà. Faut le savoir, c'est dans Kingsglaive, un film d'animation qui est le prologue d'FF15, qui je pense au début était dans le jeu, mais ils ont viré parce que ça prenait trop de temps à faire, et que c'est sûrement trop gourmand en ressources de commencer le jeu par une grosse scène de baston. Du coup, ça dans le jeu, si vous jouez qu'au jeu, ce n'est pas dit. Noctis apprend la mort de son père au journal, en se baladant dans la pampa avec ses potes, et puis voilà. Il continue quand même à aller chercher Luna Freya, parce que pourquoi pas. Et à faire d'autres trucs en chemin, parce que pourquoi pas aussi. Alors je sais que je suis un peu parti dans tous les sens avec mon résumé. Quelque part, c'était l'image du jeu. Mais je pense que ça résume assez bien les forces et les problèmes du jeu. Le jeu veut partir depuis le bas, depuis le point de vue de Noctis, prince un peu insouciant qui fait un road trip avec ses copains, pour ensuite aller vers des considérations plus compliquées, autant au niveau politique que ésotérique. Et très bien, c'est le propre de tous les JRPG, on commence dans son village, on se réveille par sa mère, à la fin on tue Dieu, super. Là du coup c'est à peu près la même idée, sauf qu'ils ont du mal à associer le micro et le macro. Le micro marche bien dans la dynamique de groupe, parce qu'encore une fois, même là il y a des problèmes dans l'écriture des personnages en tant que tel. Il y a des trous, parce qu'ils sont comblés par des animés. Il y a des trous aussi dans l'univers général qui est riche, mais on ne dit pas tout parce que c'est dans un film d'animation en image de synthèse. Et ils ont du mal du coup à tout agencer, parce que même les points positifs comme cette dynamique de groupe qui marche bien sont un peu cassés par le fait que tout n'est pas dit dans le jeu, qu'il faut aller voir ailleurs pour mieux comprendre, et que finalement on s'attache plus aux personnages si on fait les DLC, parce qu'après la sortie du jeu en 2016, il y a eu 2 ans où le jeu continuait à être mis à jour, et il y a eu un épisode pour Gladiolus, un pour Prompto, un pour Ignis. Et en fait, dans le cours de l'histoire principale, où en gros, une fois qu'on apprend que Régis est mort, bah, en plus d'épouser Luna Freya, on va aussi essayer de devenir plus fort et de récupérer les armes magiques de la lignée des Loukis, pour devenir effectivement le nouveau roi de cette lignée et pour éventuellement se venger de l'Empire méchant, hein, parce que ce serait la moindre des choses. Du coup, au fur et à mesure de cette épopée, certains de nos camarades, à des moments clés, s'en vont et reviennent. Et les moments où ils s'en vont, ce sont les DLC. Mais si on ne les fait pas, on ne sait pas ce qu'ils ont foutu, c'est pas clair. Et ça résume assez bien le problème du jeu, quoi. Qui a un univers très riche, très développé, qui est mal expliqué, qui a une dynamique de groupe qui repousse des archétypes, mais passons, qui sont malgré tout assez vifs et intéressants pour nous attacher. Ils sont attachants, mais ils ne disent pas tout. Donc c'est dommage. Et moi, j'ai pu plus apprécier chacun des personnages en ayant fait les DLC, parce que j'ai fait tous les DLC. Et encore, est-ce que j'en parle maintenant ? Oui, j'en parle maintenant. J'ai eu l'édition royale de FF15, une édition sortie 2 ans après la sortie initiale du jeu, donc en 2018, où du coup les 3 DLC sont inclus, Gladiolus, Prompto, Ignis, ce qui permet de combler des trous que l'histoire de base ne prend pas en compte, ne dit pas. Mais même là, avec l'édition royale, il manquait un DLC qui est sorti après, qui est le DLC Ardyn, qui est le grand méchant du jeu. Comme dans tous les RPG, finalement, l'empereur méchant est manipulé par quelqu'un d'encore plus méchant qui est dans l'ombre et qui se nomme du coup Ardyn. C'est fou, ça résume tout en fait. Le jeu, il est sorti, attention, je vais dire une bêtise, hein. Enfin une bêtise non, mais un truc choquant. Le jeu est sorti trop tôt. Oui, il est sorti sous Macron en ayant été annoncé sous Jacques Chirac, et pourtant il est quand même sorti trop tôt. L'histoire n'est pas complète, il manque plein de trucs. J'imagine même pas l'état du jeu sans tous les ajouts auxquels j'ai eu accès avec l'édition royale, parce qu'il a été beaucoup mis à jour dans les 2 ans qui ont suivi sa sortie. Mais ouais, il y a un projet fou, un univers intéressant, des personnages attachants, quoique pas très originaux, mais il manque plein de trucs. Et si on veut se taper tout, et j'ai essayé, j'ai regardé le film d'animation, j'ai regardé l'animé, je me suis arrêté au moment où on apprend que Prompto est devenu pote avec Noctis. Il est devenu pote avec Noctis une fois qu'il a maigri, parce qu'il était trop gros pour être son ami avant. Ça m'a un peu agacé, donc j'ai arrêté là. Mais du coup, ça résume bien tout le problème du jeu, quoi. Ils ont voulu trop en faire, trop en dire. Ils sont pas concentrés sur la base, en fait. Il y a une bonne base, la dynamique de groupe, mais même ça, ça va pas jusqu'au bout. En gros, dans le jeu, bon, je vous spoil un petit peu, hein. Au bout d'un moment, il y a un time skip. Il y a 10 ans qui passent. Alors ça, c'est super. On retrouve Noctis barbu, comme au tout début du jeu, dans l'intro, face à Ifrit, où il est barbu, alors qu'après, il est pas barbu, c'est bizarre. Mais ça y est, on comprend pourquoi. En gros, il lui a fallu 10 ans pour maîtriser la magie du cristal et devenir le roi super puissant et trop fort. On le retrouve à ce moment-là. Il y a un time skip. J'adore les time skips. Il retrouve ses potes, qui eux sont dans la merde depuis 10 ans. Parce que pendant que Noctis maîtrisait la magie super puissante, bah le méchant Ardyn, lui, il a niqué le monde. Le monde, c'est une nuit éternelle. Il y a des méchants partout, parce que souvenez-vous, dans le système de jeu, la nuit, il y a des monstres trop forts qui sortent. Des démons, quoi. Mais là, du coup, vu que le jour ne se lève plus, bah les démons sont là tout le temps. Donc les gens, ils galèrent. Le monde, il est en ruine. Et bah du coup, ses potes, ils ont fait comme ils ont pu. Ils ont aidé les gens et tout. Et ils se retrouvent après 10 piges. Et ils se disent rien. Ils se disent « Alors, content de te voir, Noctis. Oh, t'étais un peu en retard, on t'attendait. On avait prévu un petit poulet, là. Et toi, t'étais pas là. » Et hop, c'est parti. J'exagère à peine, hein. Ils se disent pas, ils se disent rien. Et ça résume bien tout le problème de jeu. Qu'il y a des bonnes bases qui sont soit mal expliquées, soit expliquées ailleurs, soit rien. Parce que ce passage-là, du coup, où ils se disent rien, tout le monde est choqué. C'est pourtant la base du jeu, le truc qui marche le mieux, le rapport entre les personnages. Bah, c'est un peu à remettre en cause, parce que dans l'épisode Ardyn, que j'ai dit du coup acheter en plus de l'édition super spéciale complète que j'avais, là, il reparle un peu de ce moment-là. Et il y a une rustine pour en reparler un petit peu. Mais ce jeu n'est fait que de rustines, qui essayent de compenser une histoire bâclée parce que le jeu est sorti trop tôt et qu'il était trop ambitieux. Et ça résume bien tout ça, je pense. Ça résume bien tout ce qu'on a à dire sur le jeu. D'ailleurs, l'épisode Ardyn est pas mal, parce qu'il nous fait comprendre les motivations du méchant Ardyn, qu'on ne comprend pas dans le jeu sans faire le DLC. On ne sait pas ce qu'il veut. Il aide les héros à plein de moments. À plein de moments, il nous aide, il nous file des trucs, il nous accompagne, etc. Pourquoi ? Puisqu'à la fin, il veut quand même nous tuer. Bah, on sait pas. À part si on fait le DLC, qui est très bien. Les DLC sont pas mal, hein. Les 4. Gladio, Prompto, Ignis, Ardyn, les 4 DLC sont pas mal, ce sont des expériences qui durent 2-3 heures, qui sont sympas, qui comme je disais dans les combats sont plus ramassés, donc sont même marchent presque mieux. Mais quand même, putain, il faut se taper les DLC pour espérer trouver une cohérence à tout ça, quoi. Et finalement, une fois qu'on fait le DLC d'Ardyn, qui s'appelle hélas pas Ardyn à la plage, eh ben c'est pas mal. Et les thèmes du jeu en sont renforcés, et on comprend mieux ce qui se passe, et ça aurait dû être dans le jeu de base, en fait, tout simplement. C'est insensé que ça n'y soit pas. Et c'est la même chose pour Ignis et Prompto. Gladiolus, c'est un peu à part, c'est pas très intéressant, mais c'est vraiment très DLC à la limite. Mais les autres, ouais, ajoutent des choses très importantes, en fait, qui devraient être dans l'histoire de base. Qui, au final, quand on mélange tout ça, alors le film d'animation Kingsglaive, il est nul, même s'il y a Aaron Paul et Sean Bean et Lena Hadley et tout, un super casting de voix, ça reste, c'est très beau hein, visuellement. C'est nul ce que ça raconte. Même là, c'est mal raconté. La chute de Insomnia quand elle est envahie par les méchants. Pas très intéressant. Mais l'animé Brotherhood, bah, je vous ai dit, voilà, ça m'a saoulé donc j'ai arrêté. Du coup, il y a une bonne histoire qui est souvent mal racontée ou qui n'est pas racontée. C'est embêtant. Très embêtant. Mais les thèmes sont assez importants. On peut aussi signaler Luna Freya, le personnage totalement bâclé. Ces quatre poteaux, hein, les personnages principaux, les personnages féminins, il n'y en a quasiment aucun. Soit ils sont très caricaturaux et sexualisés inutilement, comme Cindy, la mécanicienne, soit ils sont sacrifiés pour permettre à Noctis de vivre sa petite aventure, son petite progression de prince, comme Luna Freya, sa bien-aimée, qui n'est quasiment pas là, en fait, dans le jeu et ne sert pas à grand-chose. Ils avaient prévu, parce que en plus, après les DLC Ardyn, il devait y en avoir d'autres, hein. Dont un sur Luna Freya. Donc peut-être qu'on l'aurait plus comprise à ce moment-là. En tout cas, dans le jeu de base, elle ne sert à rien. Elle est très... c'est juste un prétexte à plein de choses qui n'a pas vraiment voix au chapitre. Et c'est très dommage. Surtout après une trilogie de jeux FF13, qui avait une héroïne assez forte mise en avant. Là, pour le coup, personnage féminin, zéro. Quoi. À la limite, s'ils veulent, hein, c'est pas ce qu'ils racontent comme histoire, mais c'est quand même dommage. Quitte à avoir un jeu où il y a 4 bonhommes... Ok, mais il peut avoir des copains, des copines qui sont un peu développés, quoi. Et là, c'est pas le cas du tout. Donc ouais, dommage. Il y a des choses bien dans l'histoire, les thèmes sont assez intéressants. C'est une tragédie, hein, grosso modo. Ben, un rapport au destin, comme FF13 d'ailleurs, ça se recoupe un peu dans les thèmes. Et à la fin, gros spoiler, Noctis meurt, il doit se sacrifier pour ramener la lumière sur le monde. C'est son rôle de roi qu'il assume enfin. Donc tout ça est assez cohérent, est assez beau, d'autant plus que Ardyn, dans le DLC, on comprend que lui aussi est une sorte de prisonnier du destin, parce que lui, c'est l'héritier de Lucis d'il y a 2000 ans, qui a été trahi par son frère, qui a fait genre, non, en fait, c'est moi l'héritier de la magie, alors qu'en fait, c'était pas lui. Du coup, il a un peu le seum, Ardyn, et du coup, il veut aider Noctis à acquérir son pouvoir pour bien le niquer une fois qu'il aura son pouvoir, pour se venger un peu du cristal, de la lignée royale qu'il l'a rejeté, etc., etc. Donc en fait, on n'a que des gens trimballés par le destin qui essayent de lutter un peu contre et qui finissent par l'accepter, parce que autant Ardyn et Noctis finissent par l'accepter, et on a un truc un peu cohérent, qui se tient, qui est pas mal, qui est une belle histoire, une belle tragédie, mais pour la voir en entier, il faut s'accrocher, quoi. Il faut faire des DLC... Faut accepter tous les moments qui ne sont pas racontés ou mal racontés ou racontés ailleurs. Et c'est un peu rude quand même. C'est un peu rude. Mais ça aurait pu être bien. Ouais, comme d'hab. Je pense d'ailleurs que c'est difficile de ne pas voir dans cette tragédie qui est liée au destin d'un jeune homme qui refuse le poids qu'on lui met sur les épaules et qui doit à la fin se sacrifier pour honorer une lignée tragique et amener... la lumière sur le monde, c'est difficile de ne pas voir le développement de FF15 et de FF versus 13 dans une forme métaphorique. Peut-être que je vais trop loin, mais je pense qu'il y a une lecture méta à faire du jeu qui marche très bien, parce que ça parle un peu des 10 ans de galère pour faire ce jeu, quoi. FF, c'est une franchise incontournable dans les JRPG et même en dehors, et quand tu reçois ça, tu sois Nomura, qui justement voulait pas que ce soit un FF numéroté, il était content que ce soit un FF versus 13 et pas 13, pour avoir plus de liberté, pour avoir moins de responsabilité. Et quand tu es Nomura ou quand tu es Tabata et que tu reçois ça et que tu dois le gérer et que c'est dur parce que c'est des nouvelles machines, que ce soit la PS3 ou la PS4, que t'es attendu au tournant parce que FF13 a pas plu à tout le monde, que FF14 il s'est foiré de ouf avant d'être remis à niveau... Bah t'as un poids énorme et t'as le destin, entre guillemets, d'une franchise sur les épaules et tu dois assumer gagné en maturité, en compétences comme Noctis, pour porter le poids d'un fardeau tragique, un petit peu, et te sacrifier à la fin, parce qu'apparemment le développement a été horrible pour Tabata et ses équipes, niveau crunch et niveau temps passé, énergie dépensée. Du coup, je pense que la lecture est assez claire, pour le coup. Bon, en tout cas, moi j'aime bien voir ça comme ça, je trouve ça très cohérent, et je trouve ça encore plus triste et tragique, vu comme ça, et du coup ça donne encore plus d'épaisseur au récit, quand bien même il est raconté n'importe comment. Petit point sur la musique, composée par Yoko Shimomura, qui est très bien. La musique est super, rien à dire. Vous avez pu l'entendre par-ci par-là, elle est super. On oublie la reprise de Florence and the Machine, qui n'apporte rien à la chanson originale Stand By Me. Donc pourquoi faire une reprise si c'est pour juste la chanter sans rien rajouter. Mais l'OST du jeu est super. Il y a un truc bizarre, ceci dit, sur la musique. Parce que, encore une fois, vous savez, je ne suis pas spécialement féru de musique, du coup, même si j'aime bien, j'ai pas grand chose à en dire, pas beaucoup d'analyse à faire. Mais ce qui surprend dans la musique par rapport à FF15, c'est qu'on a accès à toutes les autres BO de Final Fantasy. On peut les acheter dans les magasins, et du coup, dans la voiture ou en chocobo, on peut choisir plein d'OST de Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, etc. quoi. On peut mettre ces trucs-là pendant qu'on se balade dans l'open world. C'est bizarre. Parce que sinon, si on fait pas ça, il n'y a pas de musique dans l'open world, en fait. Ou alors très peu. Je comprends pas trop ce move. Déjà, diégétiquement, est-ce que ça veut dire que les autres Final Fantasy existent dans l'histoire, puisqu'on peut les acheter à des marchands dans les magasins du monde d'FF15? Donc ils vendent des CD des Final Fantasy d'avant? Est-ce qu'on peut jouer à Final Fantasy dans Final Fantasy 15? Est-ce que Noctis, il a kiffé FF9? C'est bizarre. Et puis, ça crée des moments assez bizarres. J'en parlais des moments avec Sleeping Dogs et tout. J'aurais préféré pouvoir vivre ces moments et m'impliquer dans le monde ouvert avec une OST propre au jeu qui m'aurait fait des souvenirs uniques en rapport avec FF15. Là, j'ai pu en avoir des moments comme ça, mais sur des OST d'FF9, d'FF13, des musiques qui sont déjà très porteuses de souvenirs assez particuliers pour moi parce qu'elles sont attachées à un autre jeu. Donc je pense que ça limite un peu l'attachement qu'on peut avoir au monde aussi, parce qu'ils n'ont pas fait le choix d'avoir une OST qu'on peut écouter dans le monde ouvert. Ce qui aurait pu permettre des moments d'attachement assez particuliers à ce monde. Ce qui là n'est pas le cas, parce qu'on peut juste apprécier la musique d'autres Final Fantasy qu'on a bien aimé. Donc là aussi c'est bizarre. Écoutez, je sais pas quoi vous dire. C'est pour les fans et les nouveaux venus. Hein. Comme ça tout le monde est content et voilà. Oh là là. Mais soyons positifs, il y a trop de morceaux qui sont trop bien. Et justement, j'aurais pu vouloir m'y attacher plus en les entendant plus souvent dans le monde ouvert. Voilà. Parce qu'il y a vraiment trop de morceaux qui tuent dans ce jeu quand même. Franchement, bravo Yoko. Arrive dans la dernière partie du podcast, la partie conclusion. Ça y est, l'épisode est très long. Hein. Je vois là, le temps défiler. Il y avait des choses à dire. Je l'ai fait sans quasiment aucune note. J'espère que c'est pas trop brouillon. Après, ça résume bien. Déjà, le fait qu'il y ait beaucoup de choses à dire sur le jeu, il laisse pas indifférent. Mais il est frustrant, quoi. Je pense que vous avez pu le sentir là, au fur et à mesure. C'est frustrant, parce que ça aurait pu être tellement mieux. Et se dire que ça aurait pu être tellement mieux alors que ça a pris 10 piges. Et c'est encore plus frustrant. Qu'est-ce qui reste du coup de ce jeu finalement ? Des personnages attachants. Ouais, Noctis, il a beau me saouler au début, finalement, il est attachant. Les autres aussi, même s'ils sont très archétypaux, ils sont attachants. Il y a des lieux qui restent en tête, même si c'est pas ceux du monde ouvert, c'est certaines villes, certains panoramas qui sont beaux et qui sont vivants. C'est ça qui reste. Et une histoire, et un univers assez riche, mais mal raconté. Mais qui, au final, après avoir fait beaucoup d'efforts et de DLC pour comprendre, c'est beau, c'est bien. Même si, je l'ai même pas dit, je le dis rapidement parce que ça dure longtemps, il nous propose un truc très tragique, très triste, pour finalement revenir un peu en arrière en proposant une histoire, une fin alternative où Noctis n'aurait pas à se sacrifier. Elle est amenée par la fin du DLC Ignis. Je pense que c'est un peu une réaction aux fans qui devaient pas être contents que Noctis meure. Et du coup, ils ont voulu proposer une autre possibilité, qui est canon ou pas, c'est à nous de décider. Mais du coup, je pense que cette anecdote-là résume très bien, tout comme l'intro, cette envie de plaire à tout le monde, de s'inspirer de beaucoup de ce qui marche dans le jeu vidéo occidental et en général, et du coup de perdre un peu l'identité de Final Fantasy. Alors ça fait vraiment vieux con de dire ça, parce que FF c'est un jeu qui est connu, une licence qui est connue pour se réinventer à chaque épisode, et il y a des choses très FF dans ce jeu, évidemment, c'en est un, que je le veuille ou non, mais j'ai l'impression que la direction et le projet ont été heurtés par les tergiversations sans cesse renouvelées de Nomura, par les problèmes liés à la production du jeu, mais aussi par un Hajime Tabata qui voulait redorer le blason de la série et du coup l'imposer comme un passage obligé dans le jeu vidéo contemporain, mais du coup en acceptant trop et en se pliant trop au code du jeu vidéo contemporain plutôt qu'en suivant une vision claire. Après, je pense qu'il a une vision, et vision ça veut rien dire. Je pense qu'il a une vision et que ça correspond sûrement à ce qu'il voulait faire, mais soit elle était trop ambitieuse, il n'a pas eu le temps de la mettre en place avec le temps qu'on lui a imparti, parce que le projet traînait déjà depuis trop longtemps, soit elle correspond pas vraiment à ce que moi j'attends dans FF, ou alors elle n'est pas cohérente avec elle-même, je sais pas. Mais il y a un problème quelque part, ça c'est sûr. Et du coup, c'est beaucoup de gâchis, quoi. C'est un formidable gâchis, FF15. Ça, même en arrivant 5 ans après, avec tout ce qui a été fait, on peut trouver, si on cherche bien, les bonnes choses à tirer de ce jeu. Mais il faut s'accrocher. Elles sont bien cachées. Et ça enlève pas justement tous les efforts qu'on doit mettre pour les trouver, quoi. Donc voilà ce que c'est FF15, un Final Fantasy pour les fans et les nouveaux venus. Finalement, c'est un FF pour personne en fait, finalement. Trop brouillon pour les nouveaux venus, pas assez poliché, je sais pas comment on dit, pas assez bien fini. Et pour les fans, trop brouillon aussi, et trop bordélique et pas assez clair dans ce qu'il a à offrir de véritablement Final Fantasy. Que ce soit un système de combat qui s'assume ou une histoire qui est bien racontée. Donc voilà. Après, on pourrait dire que ça en fait un bon FF, parce que les FF ont toujours été des jeux justement qui voulaient repousser les limites de ce qui était possible de faire, autant en termes techniques qu'en termes narratifs. Enfin, en termes narratifs, en tout cas, ils ont voulu toujours être très épiques et impressionnants et raconter des grandes histoires, parce que on va pas dire qu'ils repoussent ce qui se fait en termes de narratifs, sachant qu'ils ont des narrations très linéaires et très basiques, mais ils ont toujours voulu en faire beaucoup. Ce jeu aussi a voulu en faire beaucoup, en fait. Dans ce sens-là, c'est un bon Final Fantasy, mais c'est peut-être pas un très bon jeu. C'est ça le problème. Il représente bien quelque part cette envie de Final Fantasy de toujours vouloir faire autant qu'il est possible à ce moment donné de l'industrie et du média. Mais là, ils l'ont pas bien fait. Pas assez bien fait. En tout cas, c'est pas le niveau de ce à quoi on avait l'habitude avec FF. Ça reste pas mal, mais c'est compliqué quoi. Et qu'est-ce que ça veut dire pour le JRPG? Ça veut dire que le JRPG, en tant que tel, en fait, dans les Final Fantasy, c'est plus du tour par tour, c'est plus la contemplation dont je parlais. Si je vous avais saoulé avec ce concept, qui je pense est toujours intéressant pour analyser les jeux, mais justement, si Tales of Vesperia ne l'offrait pas tant que ça à cause du système de combat, là c'est évident que non pour FF15. D'autant plus qu'en rejetant un peu cette idée d'abstraction des combats, en voulant les rendre dynamiques et incorporés à l'exploration, on est dans autre chose, dans un autre rythme, qui du coup n'est plus celui de la contemplation. Mais dans quelque chose de beaucoup plus basique, quoi, bateau, propre aux autres mondes ouverts ou aux autres actions RPG. Et en même temps, Square, ils s'en foutent, parce que avec FF15, ils veulent séduire un plus large public. Pour les vieux de la vieille, un peu comme moi, peut-être, qui voudraient un truc un peu plus basique, bah, il y a Dragon Quest XII, qui est fait par la même boîte. Donc, puisqu'ils peuvent jouer sur tous les plans, ça les dérange pas. L'avenir du JRPG, à mon avis, celui-ci montre une voie qui est celle de l'action RPG, qui va prendre les devants, prendre les dessus, qui est très à la mode, et que j'aime bien en temps en soi, s'il est assumé jusqu'au bout, et ça a l'air d'être le cas pour FF16, donc tant mieux. FF16 a l'air d'être vachement plus bourrin dans les combats, quoi. Il n'y a plus tant cette volonté de rajouter une surcouche tactique. Au moins, tant mieux, c'est clair. Et j'y jouerai sûrement, mais au moins, c'est clair. D'ailleurs, FF16 a l'air de suivre un peu le même chemin que FF15 et de vouloir être très occidental dans sa présentation, dans son univers et tout. Donc ouais, le JRPG, est-ce qu'il a encore un sens aujourd'hui? En fait, c'est intéressant parce que on a déjà dit, je crois, que c'était pas uniquement une origine géographique, le JRPG, mais aussi un genre. On pouvait faire un JRPG qui n'était pas fait par des Japonais parce que c'était un ensemble de codes propres à un genre. Du coup, le J avait pas beaucoup de sens finalement, parce que c'est pas, peu importe, ça a commencé au Japon, mais c'est maintenant devenu tellement codifié qu'on peut en faire n'importe où. Et là, ça redevient seulement une origine et moins un genre dans le cas d'FF finalement. C'est un action RPG fait au Japon, donc c'est un JRPG, mais ça ne reprend pas vraiment les codes en termes de gameplay, du moins en tout cas. Je pense que c'est intéressant de voir ça, et FF16, à mon avis, va continuer à se mondialiser, entre guillemets, pour n'être plus qu'un action RPG parmi d'autres, fait par des Japonais, mais limite, ça sera un détail. Donc ce sera un JRPG au sens géographique, mais plus au sens du genre. Donc je pense que c'est intéressant de voir ça, c'est ce que ça vous dit sur l'avenir du JRPG, qui, à mon avis, n'est pas glorieux. Non pas parce que c'est nul, parce qu'ils savent plus faire, mais parce que, en fait, qu'est-ce qui faisait que le JRPG est un genre qui a autant marché chez beaucoup de gens, c'est que c'était la promesse d'une aventure, malgré les limites techniques, et pour créer une aventure épique, impressionnante, malgré les limites techniques, on devait s'en remettre à l'imagination du joueur. Et maintenant, FF15 le montre bien, grâce aux prouesses techniques, on peut être dans le maximalisme et du coup tout représenter à tel point qu'on n'a même plus besoin de séparer combat et exploration. Et on peut créer des mondes très impressionnants qu'ils seront de plus en plus, des mondes ouverts, vivants, etc. Même s'ils ne le sont pas tant que ça, mais bref. C'était leur premier essai hein, de monde ouvert, donc soyons généreux, soyons patients. Mais du coup, il n'y a plus vraiment besoin de faire appel à l'état contemplatif qui, à mon avis, résume bien l'expérience que donnent les JRPG tels qu'on les imagine époque 16 bits ou PlayStation. Il n'y a plus besoin de faire ça, en fait, aujourd'hui. L'imagination du joueur, elle n'a plus à être titillée, à être sollicitée, et on a plus besoin de s'appuyer dessus pour nous faire vivre une aventure. On peut tout représenter. Et du coup, on peut suivre ça comme on suivrait n'importe quel autre jeu, comme je suis Spider-Man, en fait. Où là, il n'a jamais été question d'état contemplatif dans un Spider-Man. Mais du coup, je pense que ça dilue un peu le genre et ce qui en fait sa spécificité et sa force, à mon sens. En tout cas, ce que j'aime y retrouver et l'expérience qu'on me procure. Et là, je pense plus qu'on va me la procurer. Ou alors dans d'autres produits plus indépendants ou plus, on va dire, attachés à l'ancienne école. Et de toute façon, Square, comme je dis, ils s'en foutent. Ils en font des JRPG pour les vieux crons comme moi. Ils feront Octopath Traveler, ils feront Dragon Quest XIII. Et peut-être que j'aimerais plus autant FF. Et ça fait de la peine, mais peut-être que ça se passera comme ça. Alors j'ai envie de pleurer. Voilà en tout cas ce que ça m'évoque, Final Fantasy XV, tout ce qu'on peut dire dessus. C'était compliqué, c'était brouillon, c'était long, à l'image du jeu. J'espère que ça vous plaira quand même, ce podcast. N'hésitez pas à me le dire si ça vous a un peu saoulé, que ce soit un peu moins ordonné que d'habitude. Si c'était trop long, je m'en excuse. J'essaierai de pas faire ça à chaque fois. De toute façon, je pense pas avoir autant de choses à dire sur tous les jeux auxquels je joue. Mais voilà, n'hésitez pas à réagir, à donner votre avis sur ce que j'ai raconté, si j'ai dit n'importe quoi. Je pourrais en parler ou faire un épisode de réponse hein, s'il y a beaucoup de débats, il n'y a pas de souci. Et on va se quitter comme d'habitude avec une petite métaphore moisie. Hein. Dans notre village des JRPG, que serait FF15? Ce serait facile, hein. À mon avis, ce serait... Ah merde, c'est quoi le mot? J'ai perdu le mot de ce truc. Attendez. Ah oui, un échafaudage. C'est un mec, il est venu, il a dit « je vais révolutionner la ville ». JRPG Town, la ville niveau supérieur. Je vais faire le plus beau bâtiment que vous avez jamais vu. C'est vraiment incroyable ce que je vais faire. Et du coup, tout le monde dit d'accord, vas-y. Et 15 ans après, il y a toujours un échafaudage. Et à côté, il y a un super panneau publicitaire qui nous montre à quel point ça va être beau. Où il développe en détail, belles photos, rendus 3D, etc. pour nous faire imaginer à quoi ça va ressembler. Mais il y a toujours un échafaudage. Du coup, on peut se projeter. On peut deviner dans l'échafaudage comment il est construit. Ah ouais, là, ils vont faire ça, comme ça, et tout, et tout. Mais ça reste un échafaudage. Voilà. Comme FF15, qui est un échafaudage assez bancal et où on peut deviner tout ce que ça aurait pu être. Parce que ce que c'est pas que ça suffit pas, c'est que c'est frustrant. Parce qu'on devine que ça aurait pu être encore mieux que ça ne l'est. C'est déjà bien, ça aurait pu être super. Et voilà, c'est frustrant. Mais bon, on va pas se laisser abattre. La prochaine fois, on jouera, je suis pas sûr. De toute façon, c'est dans 2 mois, a priori, à part si j'ai la force de faire un épisode avant. J'ai quelques JRPG en cours. Je vous dis pas, parce que de toute façon, à chaque fois, je me trompe. Bah, je peux vous dire ceux qui sont potentiellement inclus. Là, j'ai commencé Shin Megami Tensei 3 Nocturne, le remake HD. Donc, j'espère le continuer. Peut-être ça, du coup. Ce qui serait totalement un truc qui n'a rien à voir. Et aussi, peut-être Chris Tales, un JRPG indépendant offert par Steven, que je remercie chaleureusement. Donc voilà, un de ces deux-là. Je sais, j'ai dit Earthbound et tout. J'aime bien jouer sur ma PS4 parce que j'ai une PS4, je sais pas si je vous ai dit. Du coup, j'en suis très content. C'est super. Du coup, j'aime bien jouer dessus. Du coup, je joue surtout à des JRPG qui sont accessibles dessus pour le moment. Mais Earthbound, j'ai pas oublié. Peut-être que je le continuerai, ça se trouve, c'est ça qui sortira la prochaine fois, on sait pas, je suis imprévisible. Mais du coup, voilà les Epic Trails of Heroes. Ouais, je pense que pour l'instant c'est mort, j'ai lâché l'affaire. Et j'ai pas oublié FF Tactics et Xenogears. Mais pareil, j'aimerais bien jouer sur ma télé plus que sur mon PC, donc faut que je réfléchisse à comment m'organiser pour ça. Voilà. En plus, il y a des rumeurs de FF Tactics HD en ce moment, donc est-ce que j'attendrai pas un peu pour le refaire dans de bonnes conditions? On va voir. Voilà, merci à vous, bisous, et bien sûr, hein, n'oubliez pas de faire de votre mieux dans la vie comme dans les jeux pour passer au niveau supérieur.